toujours. De toi je m'ennuie chaque jour, chaque nuit, mon amour. Reviens près de moi, je veux vivre pour toi. De toi, mon amour.